À la même occasion, le président laotien Bunyang Vorachit, secrétaire général du comité central du Parti populaire révolutionnaire, a fait parvenir une corbeille de fleurs au dirigeant suprême Kim Jong-un. L'ambassadeur laotien en Corée, Prongkham Intabwari, l'a transmise le 6 courant à Lee Soo-yong, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du travail de Corée.